Toho, le tueur d'or, par Jules d'Hermina. Première partie, le supplice de Méa. Chapitre 1er. Dans le craton de Kotaragia, se dressant comme un nid d'aigle au-dessus du fleuve Krung Darub, à la pointe nord de l'île de Sumatra, les Orons Hatchés se défendaient contre les concurrents hollandais avec le courage du désespoir. Peuple aux mœurs violentes, aux instincts pillards, les Hatchés semblaient indomptables. Leur sultan, Mahmoud Shah, enfermé dans l'altière et sauvage forteresse Le Craton, juché sur une masse de rochers inaccessibles, repoussait tous les assauts, dirigeant avec une énergie sauvage ses troupes qui faisaient de leurs cadavres une barrière infranchissable. Autour du maître, serviteur d'Allah, s'étaient groupés les chefs des tribus barbares et courageuses, fanatisés par le mépris de la mort, qui, oubliant dans cette crise suprême leurs querelles intestines, étaient accourus pour résister à l'envahisseur. Ils étaient tous là, ceux de Vasla, égorgeurs de bœufs, ceux de Malabor, les mangeurs d'Ubo-Ubo, méduses et poulpes, ceux de Malibang, sortis des gorges impénétrables du lac de Tola, même ceux de Tiab, qui est à la pointe sud, près du détroit de la Sonde. La haine de l'étranger, du civilisé, du Rumi, réunissait les peuplades les plus disparates, qui avaient accepté l'autorité des trois grands Panglima, les lieutenants du sultan, Tuku Ibrahim, le seigneur, des 26 Mokim, les districts, Tuku Polim, qui commandait aux 22 Mokim, Tuku l'an passé, le chef des 25. Depuis 9 ans, la guerre sévissait, tenace et infatigable de la part des Hollandais, furieuse et désespérée chez les Hatchés, ces audacieux pirates qui repoussaient l'intrusion des Européens, des Blancs détestés. Depuis des siècles, blottis dans les anses profondes de leurs rives, ils avaient guetté les navires que tout à coup cernaient leurs pirogues, alertes et pareilles à des albatros. Le pillage et le meurtre terrorisaient l'océan Indien et le détroit de Malacca. Les îles Babi, Nias, Ragpat n'étaient que repères d'où chaque jour surgissaient ces vautours de mer qui rendaient le passage impossible. Oulélé, qui est le port de Kotaragia, était la caverne d'où s'élançaient les brigands Hatchés. Eddy, sur le détroit, épouvantait les navires marchands en route pour Singapour. Après de longs pourparlers, après des luttes partielles dans lesquelles l'avantage était resté aux Hatchés, les Hollandais s'étaient décidés au suprême effort. En 1872, un premier ultimatum avait été envoyé au sultan qui avait répondu par d'insolentes bravades. Dès 1873, l'attaque commençait et une forte artillerie bombardait Oulélé, mais devant la résistance des Hatchés, il avait fallu reculer. Le général Koller, chef de l'expédition, avait été tué. Après lui, le colonel Van Gogh, puis le général Van Swieten, qui un instant avait cru dompter ces indomptables et s'était heurté à une nouvelle révolte encore plus ardente. Au cours d'un raid dans les 26 Mokim, le général Pell tombait, frappé d'apoplexie, selon les uns, empoisonné d'après un bruit sinistre et vraisemblable. Enfin, le général Dianout, désespérant de vaincre, renonçait à la lutte, laissant le commandement au colonel Van der Rieden. Et maintenant, c'était la suprême épreuve. À Samalagan, le colonel, une balle dans la tête, aveuglé par le sang, était resté sur le champ de bataille jusqu'à ce que les trompettes lui annonçassent la victoire, et pour la première fois, en face de cet homme qui semblait plus fort que la mort, un souffle d'épouvante avait passé sur le pays d'Hatché. On sentait que l'heure décisive approchait. Ce jour-là, sur la grande place qui s'étend devant le craton, où se tenait le sultan invisible et toujours redouté, les chefs avaient réuni les hommes de leur tribu. La nouvelle venait d'arriver d'une nouvelle défaite. Une centaine de bataks avaient été cernés dans le lit d'un ravin et avaient été massacrés jusqu'au dernier. Car c'était une guerre féroce et sans merci. Et la fureur des Hatchés tournait en folie. Des hommes, saisis de frénésie, le kriss à la main, se ruaient à travers la foule, comme ivres et épileptiques, et blessaient ou tuaient tous ceux qu'ils pouvaient atteindre. C'était l'amok, la vaisanie sanguinaire des Malaisiens, qui éclatait en cette crise de désespoir. Le Panglima de Pédir, superbe guerrier d'une taille colossale, avait bondi sur une stèle, débris de quelque antique pagode bouddhique, les deux poings levés vers le ciel, et brandissant le sabre dentelé, criait la vengeance. « Non, On ne reculerait pas devant l'éternel ennemi des libres Orang. Il fallait que partout, dans tous les coins du territoire, s'élevassent des béateng, des redoutes improvisées, d'où siffleraient les flèches empoisonnées. Chaque arbre, chaque pli de terrain cacherait un vengeur. Se décourager, non pas. Pour quelques enfants d'Atché qui étaient tombés, des milliers d'autres se lèveraient pour prendre leur place. Déjà, on annonçait l'arrivée du Kedjuronan de Pasango, le puissant Raja, qui disposait de 8000 lances. Allah protégerait ses enfants, et les derniers blancs huileux, les Hollandais, seraient jetés en pâture aux requins de la mer, amis des Atché. Des cris frénétiques saluaient ces exhortations. Au-dessus des têtes, c'était comme un fourmillement d'acier, et ces acclamations sonnaient comme des rugissements de fauves. Tout à coup, une clameur s'éleva. « À la montagne des trois paliers !» Et de toutes les poitrines, les mots jaillirent. « À la montagne ! Allah ! Allah !» C'était, à quelque distance du craton, un étrange monument, amas de dalles de marbre formant trois immenses gradins, et qui, au temps de l'idolâtrie, moins éloigné que la conversion mahométane ne l'eût fait supposer, servait au sacrifice humain. Depuis lors, elle était réservée aux exécutions, et sur chacune des bornes en forme d'œufs énormes, qui garnissaient les paliers comme de grosses perles de pierre, formant une ligne presque ininterrompue, on voyait encore les traces sanglantes des hécatombes. L'appel avait été entendu. Ça avait été comme une issue ouverte à la frénésie générale. Par la grande avenue qui fait face au craton de la porte à Ponte Perak, le long du Krung Darub, la foule s'était ruée, enlevant sur les épaules les panglimas et les Kedjuronan qui, brandissant leurs goloks dentelés, hurlaient des cris de fureur. Et quand cette vague humaine, plus sinistre que celle de la mer, passa devant le Glumpang, l'arbre à forme d'oiseau éployé sous lequel le général Kohler avait été tué lors de l'attaque de la mosquée Misigit, il y eut une formidable explosion de glapissements qui n'avait plus rien d'humain. La course continua avec des poussées sauvages, comme si chacun avait voulu atteindre le premier le but, la montagne des trois piliers, dont maintenant la masse se profilait au-dessus des bananiers, des pamplemousses, des coupoules que dominait le somptueux soukhov, l'arbre à pin, dont les vastes feuilles se déploient ainsi qu'un dais d'émeraude. On était arrivé. Un signal, toutes les voix subitement s'étaient tues. Des épaules qui les portaient, les grands chefs avaient été hissés jusqu'au premier gradin, et là, s'étant assis sur les pierres ovales, blanches et brillantes, restaient immobiles, les yeux baissés, attendant que la protection d'Allah se manifestât par des signes visibles. Alors s'éleva de la foule, sourd, susurrant, obscur en quelque sorte, un murmure que l'on aurait cru venir du fond de la terre, grondement doux et mystérieux. De tous ces hommes, tout à l'heure exaspérés et criards, les lèvres à demi fermées exhalaient des sons dont l'unité eût été à peine perceptible. Peu à peu, par gradation insaisissable, ce bruit s'élevait, grandissait, hymne des temps antiques, alors que les Atchés s'efforçaient d'imiter les bruissements de la nature, invocation à la fois suppliante et passionnée aux forces mystérieuses épandues sur la terre et dans l'espace. Les chefs s'étaient dressés, et au-dessus de cette étrange prière faite de milliers de soupirs, lançaient le nom d'Allah à plein gosier, en des éclats de voix stridents. Tout à coup, comme si à ces impérieuses requêtes le dieu de Mahomet se fût décidé à répondre, il se produisit sur le monument un mouvement subit, instantané, pareil à un changement de décor. Sur le deuxième et le troisième palier, à tous les angles, entre et sur les pierres rondes, des hommes s'étaient subitement dressés, nus, brandissant des lames et des sagaies, sorte d'êtres fantastiques évoqués de quelques rêves de légende. Les sakeis, c'est-à-dire les peuplades sauvages de la presqu'île de Malacca, vivant dans les bois, loin du commerce des hommes, et qui jusqu'ici étaient restés indifférents aux luttes engagées contre ceux de Sumatra. Ils apparaissaient tout à coup, nombreux, vigoureux. Les chefs Atché tendaient leurs mains vers eux, les appelaient, les encourageaient à s'approcher. Les Sakais, qui avaient traversé le détroit à la nage, race audacieuse et combative, cependant, au moment de renoncer à leur isolement et de se mêler à leurs congénères, semblaient encore hésiter. Mais un d'entre eux se détacha, et franchissant d'un bond l'espace qui séparait un palier de la rampe inférieure, saute 4 mètres au moins, se laissa tomber devant le toukou Panglima des 26 Moukim et, lui soulevant le pied, le plaça sur sa tête en signe de soumission. Le saké, qui s'était prosterné devant le Panglima, était horrible à voir. Tandis que ses compagnons, vigoureux, grands, bien découplés, aux cheveux noirs et abondants, aux muscles puissants, donnaient l'impression d'être puisant leur vitalité aux sources primaires de la nature, celui-là était une sorte de monstre raccourci des misères humaines. Maigre, étique, avec les os qui perçaient la peau parcheminée, squameuse, comme lépreuse, les yeux bordés d'un bourrelet écarlate, ce spectre, évadé de quelques repères diaboliques, jouissait cependant dans l'archipel d'une réputation universelle. Des Sakai, c'était le seul qui eût voyagé à travers la Malaisie, et on le disait savant, sorcier, guérisseur. Il commandait à l'orage et à la tempête, et une terreur respectueuse s'attachait à lui. Le Panglima l'avait relevé, et maintenant, entre les deux hommes, le Sakai et l'Aché, un colloque s'était engagé à voix basse. Igliotu, c'était le nom du Sakai, parlait avec animation et ses bras décharnés s'agitaient en gestes violents. Le Panglima l'écoutait attentivement, et quand l'autre eut achevé, il appela du geste ses deux collègues, les Panglimas des 22 et des 25 Moukim. Effrayant de laideur, presque beau à force d'horreur, Igliotu attendait. Ses frères Sakai n'avaient pas fait un mouvement et tenaient leurs grands yeux noirs fixés sur lui. On comprenait que de lui seul, ils attendaient un appel, un ordre. Alors, le Panglima des 26 Moukim, Toukou Ibrahim, s'avança sur le bord du palier de pierre et d'un geste impérieux commanda le silence. Tous se turent et Toukou Ibrahim cria « Frères d'Aché, nos frères Sakai viennent nous offrir leurs bras vaillants et leur invincible courage. « Menang, Menang, bravo !» crient toutes les voix. « Nos frères Sakai ont été pillés par les orangs Oulu, les hommes blancs, les Hollandais. Et leurs femmes ont été enlevées et leurs enfants égorgés. « Talo, Talo !» exclamation de colère. « Nos frères Aché se veulent venger. Ils sacrifieront leur vie pour punir les envahisseurs. Ils viennent à nous pour combattre jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Mais avant tout, ils veulent que le sultan accepte une condition qu'ils entendent ne révéler qu'à lui-même. Si notre seigneur sultan Mahmoud, le représentant d'Allah sur la terre, consent à ce qu'elle soit remplie, 2000 Sakai se joindront à nous et avec nous chasseront l'envahisseur. Igluotu, notre frère Sakai, ai-je bien traduit ta pensée ? » Le vieillard, les deux mains croisées sur sa poitrine, s'inclina en signe d'assentiment. « Lors, reprit Toukou Ibrahim, nous allons nous rendre au Kraton avec une députation de nos frères Sakai et nous solliciterons une audience du sultan. Vous tous, ayez confiance. Accueillez dans vos kampongs, maisons, les Sakai qui demain combattront pour vous. Allez, gardez la paix entre vous et qu'Allah vous protège. » Mais un cri rauque, de clameur sauvage, l'interrompit, et un des Sakai, une sorte de colosse velu, dont le visage disparaissait tout entier sous une barbe épaisse qui lui cachait les joues et montait jusqu'à son front, bondit au-devant du Panglima, qui se disposait à descendre, et d'une voix hurlante, effrayante d'acuité, cria « Non, non, pourquoi ? Allez au sultan, mort à l'ennemi ! Le dieu veut le sacrifice, en avant, en avant !» Sa face sauvage étincelait de fureur. En l'état d'excitation où se trouvait la foule, ses appels à la violence ne pouvaient être qu'entendus. « Talo, Talo !» hurlaient maintenant les Aché. Le chef de Wasla traduisit le sentiment général. « Que veut dire notre frère Sakai ? Qu'il s'explique. S'il est un acte de justice à accomplir, nous sommes prêts. Qu'il parle, qu'il parle !»« Frère Aché !» commença le Panglima des 26 Moukim. Mais la foule lui coupa la parole par ses clameurs. Quelques-uns des Sakai entouraient Igloutou, et à voir la brutalité de leurs gestes, il n'était pas douteux qu'ils ne fussent prêts à se révolter contre son autorité, s'ils n'obéissaient pas à leur volonté. Et Igliotu, soucieux avant tout de sa popularité, se décida à parler. « Frère Aché, cria-t-il, le Dieu qui préside aux choses du ciel et de la terre, qui aime les Aché et couvre les Sakai de sa protection, exige, pour le salut du pays, que soit mise à mort la misérable femme blanche qui depuis 5 ans souille de sa présence l'île sainte de Sumatra. Il ne veut pas que la race traîtresse vous brave jusque sur votre sol. Il ne veut pas que les rejetons de la race maudite des hommes de Dlalemer puissent, grandissant sur votre terre, vous espionner, vous trahir et vous vendre à l'ennemi. De qui parlait-il donc? Quel était donc cet être si dangereux dont le dieu des Sakai réclamait le châtiment? Mais déjà les Atchés avaient compris, et un nom était jeté, dans une exclamation de rage et de haine. « Meha, Meha, oui, oui, le dieu des Atchés est le dieu de justice. À mort, Meha la blanche, à mort les enfants de Meha !» Était-ce par politique, était-ce par pitié que Iluotu n'avait cherché à accomplir un acte de violence qu'avec l'assentiment du sultan des Atchés? Mais son calcul, quel qu'il fût, était déjoué. Un vent de fureur soufflait sur toutes les têtes. Peut-être l'horrible scène qu'il prévoyait troublait-elle les 3 Panglimas, mais la rage populaire était déchaînée. Méa, Méa. Ce nom maintenant était comme un cri de guerre. Iglioutou entraînait les Sakai derrière lui, et la masse entière, comme un torrent déchaîné, se rua sur la pente qui conduisait au bord du Krung Darub. Et dans le lointain, à la porte d'une petite paillote dont les pieds baignaient dans l'eau bleue, on apercevait une femme aux formes délicates qui, au milieu des herbes, jouait avec 2 enfants qui riaient à leur mère. Cette femme, c'était Méa. Méa la Blanche, l'exilée, la prisonnière des Atchés, et qui, depuis des années, à la suite d'événements tragiques que nous raconterons plus loin, douce et résignée, se consacrait tout entière à ses 2 enfants. Georges, 10 ans à peine. Margaret, la petite fille au teint pur et aux grands yeux étonnés. Elle vivait là, dans une hutte, bonne à tous, inoffensive certes, et ne pressentant pas l'horrible péril qui la menaçait. Et voici qu'à l'appel sauvage d'Iglioutou, la foule se ruait à l'assaut du misérable abri fait de lianes et de branchages. Méa, ce matin-là, venait de baigner ses 2 enfants. Sa petite Margaret avait 5 ans maintenant et grandissait, heureuse et insouciante au milieu de cette nature luxuriante et gracieuse à la fois. Georges entrait dans sa 10e année. C'était un garçon solide, hardi, aux yeux clairs, au teint foncé par le climat. Sa chevelure très brune encadrait de boucles élégantes un visage beau et énergique. À celui-là, Méa avait raconté les terribles événements du passé, et dans l'âme de cet enfant, dont le climat avait presque fait déjà un jeune homme, grandissaient les colères et les désirs de vengeance. Méa s'efforçait de le calmer, mais pouvait-elle le blâmer quand il maudissait l'infâme trahison qui avait coûté la vie à son père, la liberté à sa mère, et qu'il enchaînait lui-même dans cette île dont il méconnaissait les beautés pour ne plus se souvenir que de ses cruautés? « Mère, mère !» s'écria Georges, qui montait sur un tertre verdoyant, avait aperçu la foule dévalant de la montagne des 3 paliers. « On dirait que les brigands sont affolés de rage. Où vont-ils donc ? Voici qu'ils s'engagent dans le sentier qui descend vers le fleuve. S'ils venaient ici ?»« Non, mon fils, c'est impossible !» répondait Méa, dont cependant le cœur se serrait d'une angoisse involontaire. « Tant d'hommes ne se réuniraient pas pour attaquer les faibles que nous sommes. » « Mère, écoute ces clameurs. On dirait que ces gens sont ivres de fureur et de sang. Mère, je te dis que c'est nous qu'ils menacent. » Méa s'était dressée toute pâle. Oui, les voix, elle les reconnaissait. Ses cris, elle les avait déjà entendus. Elle s'efforçait en vain de garder son sang-froid. D'horribles pressentiments l'agitaient, et elle tremblait. Moins pour elle, certes, qui était résignée à tous les sacrifices, que pour ses êtres chers, qui était toute sa vie, et qu'elle adorait de toute la force de son âme. Mais comme si la réalité eût voulu détruire d'un seul coup ses illusions suprêmes, voici que le nom répété par 100 voix parvint jusqu'à elle. « Méa, Méa, à mort !» Emportée par le vent, les mots résonnaient à ses oreilles comme des éclats de tonnerre, et Georges, lui aussi, les avait entendus. Il courut à la paillote et s'empara d'un arc et de flèches. Il avait appris à manier ses armes dangereuses et son coup d'œil infaillible ne manquait jamais le but. « Non, enfant !» criait Méa. « Je t'en supplie. Ne songe pas à combattre. Prends garde. Songe à Margaret. » La petite fille, effarée par le bruit, instinctivement se blottissait dans la robe de sa mère. Méa regardait autour d'elle. Fuir, il n'y fallait pas songer. Outre que la distance à parcourir pour atteindre le pont était trop longue pour qu'ils pussent le franchir d'une seule étape, est-ce que les Atchés ne les auraient pas bientôt rejoints? Pour arriver à la Paillote, il fallait franchir un léger pont de lianes qui unissait les deux rives du fleuve. Georges s'était élancé de ce côté, prêt à défendre le passage. Mais sa mère le rappela. Puisque c'était peut-être la mort, il fallait la recevoir dignement, vaillamment. En fils de la noble Europe, qui donnerait encore, en périssant, une leçon de courage à ses enragés. Et d'ailleurs, tout raisonnement était superflu. Igliotou, devançant ses compagnons, avait le premier franchi le pont, et avec une première troupe de fidèles, avait couru vers la maison des Blancs. En un instant, Méa, Georges, la pauvre petite Margaret elle-même, avaient été saisies, renversées, chargées de liens. Des cris de triomphe saluaient cet acte de monstrueuse lâcheté. Déjà, les couteaux se levaient sur leur tête. Mais Igliotou prononça quelques paroles, lancées d'une voix vibrante. Il dessina dans l'air de sa main de squelette un signe mystérieux. Les bras s'abaissèrent. Et les prisonniers, ligotés, bâillonnés, furent emportés, tandis que la foule criait « Au craton, chez le sultan Mahmoud !»